Mon colonel, je n'ai pas vu Adrienne dans la forêt. Je vais tous sulfater, mon colonel. Vous faudrait que j'arrête un peu, mon colonel. Il n'y a plus personne dans la forêt, je suis tout seul. Mon colonel, je vais remonter avec vous, mon colonel. Je vous aime. Change le micro de positionnement parce que comme ça tu fais fort, tu mets le micro plus loin. Ouais. Je fais le micro quelque part. Mais pas devant ta bouche trop fort. Faut pas baver sur la glace. Faut la sucer. Ouais, c'est au Cnisso.